Merci Mathieu Guérigou-Lagrange, à demain. De notre semaine spéciale depuis le Québec au 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, ici à l'Université de Québec en Outaouais à Gatineau. Après avoir évoqué hier la place de la francophonie dans la recherche internationale, nous allons porter notre regard aujourd'hui sur l'avenir de la recherche francophone. Comment se passent les études supérieures au Québec par rapport à la France? Les débuts de carrière sont-ils plus ou moins chaotiques que ceux que nous connaissons outre-Atlantique? Le doctorat est-il mieux reconnu? Le bilinguisme est-il un atout? Et surtout, ces jeunes chercheuses et chercheurs s'insèrent-ils mieux dans l'univers de la recherche, publique ou privée? Recherche relève francophone, es-tu là? C'est le programme prospectif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique au congrès de l'ACFAS. Et pour débattre de ces questions et de ces débuts de carrière qui ne sont pas forcément, comme vous allez l'entendre, de tout repos, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sean McGuirk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant au Centre de la recherche sur le cancer Goodman à l'Université McGill. Vous êtes ancien président du groupe de dialogue sciences et politiques, plus boursier post-doctorant au Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. Bonjour Sarah Lafontaine. Oui, bonjour. Vous êtes doctorante en sciences de la santé, concentration sciences infirmières et lauréate du concours Ma thèse en 180 secondes 2018. Bonjour Nicolas Coton. Bonjour. Vous êtes membre du comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche du Québec, doctorant et chargé de cours au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et enseignant au cégep Édouard Montpetit. Et nous sommes également en compagnie de Marie Lambert-Chan. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Québec Science, qui est une sorte d'équivalent québécois de notre magazine Science et Vie en France. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous à LUCO à Gatineau. Vous pouvez suivre, eh bien, comme chaque jour, on ne change pas les bonnes habitudes, cette émission sur les ondes de France Culture et en complément via notre fil Twitter @laméthodefc, où bien nous continuerons à poster bien tout un tas de liens vers des articles, des références, des sources qui seront évoquées au cours de cette discussion. Cette table ronde aujourd'hui, nous l'avons convoquée puisqu'un colloque est dédié à cette question, un colloque intitulé « Enjeux de la relève en recherche, regard pluriel sur la réalité des étudiants-chercheurs », un colloque qui fait suite notamment aux journées de la relève en recherche de l'ACFAS qui avait lieu en octobre dernier, où un sondage avait été réalisé auprès des étudiants-chercheurs qui participaient à ces journées, et sondage qui relève qu'ici, comme en France, les jeunes scientifiques vivent des débuts de carrière compliqués. Il y a un certain nombre de points qui étaient soulevés par ce sondage. Exigence de performance, de publication très vite dans des revues à facteurs d'impact, avec beaucoup de pression de ce côté-là. Précarité financière, durée des études, sentiment d'isolement parfois. Tout ça avec, en parallèle, la gestion de la vie professionnelle qui est compliquée quand on est soutien de famille ou qu'on essaie de fonder une famille. Bref, j'aimerais votre... C'est vrai que c'est le tableau qu'on lit, l'issue de ce sondage est assez sombre. Il rappelle beaucoup de débuts de parcours également scientifiques en France. J'aimerais juste pour commencer votre sentiment vis-à-vis de ce sondage et de ces débuts de carrière ici au Québec, Sarah Lafontaine. Donc, les défis que vous nommez, en fait, c'est des choses qu'on vit, des choses qu'on voit avec nos collègues. L'isolement aussi, des fois, que la motivation aussi pour se poursuivre pendant tout le parcours doctoral. Donc, les enjeux au niveau du financement aussi, c'est des choses que je pense que beaucoup d'étudiants vont vous le dire, ils vivent, choisir ces projets également, parce qu'on est souvent très en demande. C'est pas juste notre projet doctoral, mais c'est beaucoup de projets aussi en même temps. Donc, de choisir ces batailles, si on peut dire, là. Je pense que c'est des enjeux qu'on vit, là. Ces points-là qui sont soulevés s'adressent à un tableau très noir. C'est un tableau qui correspond à la réalité que vous avez vécue les uns les autres, Nicolas Coton? C'est sûr que la réalité, elle est très différente d'un milieu à l'autre, d'une discipline à l'autre, d'un étudiant à l'autre, bien sûr, mais ça fait écho à ce qu'on entend par-ci et par-là. J'ajouterais que l'exigence de diversifier nos parcours, ne pas faire seulement que de la recherche, mais aussi avoir des implications qui sont diversifiées, ça réussit très bien, mais ça peut être aussi un facteur de stress à l'occasion, très chronophage. Ouais. Sean McGuire, quels sont les principaux obstacles, vous, que vous avez rencontrés jusqu'à présent dans votre parcours, puisque vous êtes en post-doc en ce moment? Jusqu'à présent, ce qui a été le plus difficile, c'était de vraiment avoir une belle balance entre la vie académique et la vie à l'extérieur, qui était beaucoup plus axée à le développement de compétences, à aller voir l'impact que les étudiants peuvent avoir en gouvernance de la recherche, qui était mon expérience. Et maintenant que je suis postdoc en gouvernance de la recherche, ça démontre vraiment que ces activités-là sont très payantes, mais ça donne un grand stress et souvent les semaines peuvent être au-dessus de 100 heures semaine avec un doctorat en même temps. Marie Lambertchan, quel est le panorama? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'évolution justement de ces débuts de carrière scientifique? C'est vrai qu'en France, on en a beaucoup parlé dans la méthode scientifique. C'est un vrai sujet de préoccupation. Les débuts de carrière sont compliqués, elles sont peu payées, elles sont très chronophages, elles sont très stressantes. Est-ce que c'est la même chose, le même panorama ici au Québec? Ben, je pense que oui, des jeunes chercheurs que nous rencontrons, moi j'ai énormément d'admiration, ça prend de la persévérance, du courage. Je pense que la situation décrite par les étudiants ici présents retrouve sa source dans le sous-financement chronique de nos institutions ici au Canada et au Québec. Un sous-financement dont on parle depuis plusieurs années au niveau canadien. Il y a eu un rapport qu'on appelle le rapport Neller qui a fait état de ce sous-financement que le gouvernement Trudeau a tenté de rattraper dans le budget 2018, mais même là, on est encore loin des sommes que le rapport Neller exigeait. Au Québec, on est dans un maintien des sommes données aux ce qu'on appelle les organismes subventionnaires. Donc, ici au Canada, au Québec, il y a différents organismes qui subventionnent la recherche, donc la recherche publique, et on se retrouve avec ce déficit chronique. Donc, on a des problèmes à donner des bourses qui sont conséquentes aux étudiants et donc à financer la poursuite, ne serait-ce que ce soit en laboratoire ou la poursuite de leur mémoire, de leur thèse. Alors, je pense qu'on est dans une situation qui est très préoccupante ici aussi. Mmh. Aujourd'hui, justement, peut-être vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe, c'est-à-dire quand on arrive à l'issue de sa thèse, quelles sont les pistes, quelles sont les suites que l'on peut donner finalement à son parcours professionnel? Est-ce qu'il est facile d'intégrer la recherche publique? Est-ce que, au contraire, beaucoup d'étudiants se retournent soit vers le privé, soit vers l'étranger, quel est le parcours que l'on peut établir, les grandes moyennes peut-être? Ben, je pense que mes copanélistes diraient que c'est de plus en plus difficile d'intégrer la recherche. Il y a 10 ans de ça, on disait qu'un étudiant qui était au cycle supérieur avait peut-être une chance sur 3 de se trouver un poste de professeur titulaire. Aujourd'hui, on en est plus à 1 sur 4, 1 sur 5, je crois bien. Donc, on voit qu'en l'espace de 10 ans, les chances de faire carrière à l'université ne cessent de s'éroder. Ce pourquoi on incite les doctorants à diversifier, à regarder un petit peu du côté privé, à regarder du côté de la communication scientifique, donc à leur dire que les compétences qu'ils développent en recherche sont transversales et peuvent s'appliquer ailleurs. Comment ça se structure la recherche au Canada au niveau fédéral, au niveau provincial? Ça c'est très distinct. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, parce que c'est intéressant et puis ça éclairera la suite de notre conversation. Donc au niveau fédéral, on a 4 organismes subventionnaires qui ont une mission bien définie. Donc, on a le Conseil de recherche en sciences humaines, donc ça le dit bien ce que ça finance. On a le Conseil de recherche en sciences naturelles et technologies. On a les instituts de recherche en santé. Donc, vous voyez bien, on a santé, nature et technologie, excusez-moi, sciences naturelles et génie. Je suis en train de me mélanger avec du côté québécois. Sciences humaines. Et finalement, on a ce qu'on appelle la Fondation canadienne pour l'innovation, qui, elle, son mandat est plus de financer les équipements, les laboratoires, tout ce qui est de pointe à travers le Canada. Donc, ce sont les organismes à qui les étudiants, mais aussi les professeurs, font des demandes pour financer leurs travaux, pour faire simple. Au Québec, on a ce qu'on appelle les fonds de recherche du Québec. Donc, on a sciences naturelles et technologies, santé et sciences humaines et culture. Donc, aussi au niveau provincial, les étudiants, les chercheurs peuvent faire ce type de demandes qui sont très chronophages, on doit le dire. Ça demande effectivement beaucoup de travail. Les uns les autres, vous vous destiniez individuellement à poursuivre une carrière académique. Aujourd'hui, poursuivre une carrière académique, c'est vraiment très compliqué. Du coup, quelles ont été les options qui ont été les vôtres, justement, dans votre parcours d'études, Sarah Lafontaine? Donc, pour le futur, c'est sûr, on doit toujours trouver du financement. Pour ma part, j'ai été très chanceuse pour les 3 premières années de mon doctorat. Mais là, déjà, on doit penser déjà notre 3e année de doctorat, 4e, à, si on veut faire un post-doctorat. Donc, déjà, trouver du financement. Et j'ai plusieurs collègues qui, suite à un non-financement, ont dû abandonner l'idée de faire un post-doctorat. Alors qu'on sait que dans plusieurs domaines, c'est manquant. Donc, c'est vraiment un enjeu assez important. Et dans ces cas-là, quand ils abandonnent le post-doc, ça veut dire qu'ils se retournent quoi, vers le privé, ils changent de carrière, ils recommencent une autre thèse de doctorat dans un autre domaine, quelles sont les options? Souvent, ils peuvent travailler comme agent de recherche, ou il y a d'autres options. Puis de plus en plus, l'université, il y a beaucoup d'efforts, je pense, qui sont mis pour vraiment montrer qu'il existe d'autres options. Mais c'est encore difficile, je dois dire, pour mes collègues, en fait, ceux que je connais, en fait, de trouver du travail, même avec un doctorat. Des fois, ils sont surqualifiés, justement, ça devient problématique. Marie-Lambert-Chan, oui, sur le statut du doctorat, peut-être? En fait, j'allais dire, il y a même des concours de démarrage d'entreprise. On incite beaucoup les doctorants à essayer d'appliquer le fruit de leur recherche pour devenir des entrepreneurs. C'est rendu très courant maintenant. C'est-à-dire sortir vraiment du parcours de la recherche académique et aller plutôt du côté du privé, de petites structures, de start-up? De partir eux-mêmes leur entreprise. Sean McGuire, comment ça s'est passé pour vous? À quoi vous destiniez aujourd'hui? Quels sont les choix que vous avez dû effectuer pour vous retrouver dans votre post-doc dans lequel vous êtes en ce moment? Ben en fait, j'ai déjà essayé d'aller faire un peu. J'ai déjà essayé la voie de l'entrepreneuriat. J'ai déjà eu une start-up qui, comme la majorité des start-up, est éventuellement fermée. mais c'est ça qui m'a mené vers les politiques scientifiques. Il y avait une start-up justement sur les politiques scientifiques qui était au BNL, qui venait de partir à Montréal. Donc, c'est avec ça que je me suis rendu ce que je suis maintenant au CRSNG. Et c'est aussi à travers ça que on a consulté nous-mêmes aussi des étudiants sur le futur des STEAM au Canada. Nicolas Coton avec le CI aussi a fait la même chose. Et on a tous démontré un peu les mêmes choses que l'ACFAS a trouvées dans leur journée de la recherche. Il faut aussi dire que maintenant, il y a le panel des conseils des académies canadiennes vient de lancer un comité d'experts sur la transition des nouveaux titulaires de doctorat vers le marché du travail. Donc, c'est quelque chose que le Canada et que toutes les provinces prennent sérieusement actuellement. Moi, personnellement, je suis en fin de doctorat. Je suis aussi en fin de très court postdoc au CRSNG. Donc, je suis entre une carrière de politique scientifique, soit une carrière avec un postdoc. Mais en biologie moléculaire, souvent, il faut que faut faire un postdoc, deux postdocs, des fois trois postdocs avant d'atteindre finalement un poste universitaire. Et ça a été démontré récemment par l'Association des postdocs du Canada que pour chaque année dépensée dans un postdoc, si la personne au final ne devient pas professeur, ça prend plusieurs années pour rattraper ce qu'on a perdu de ne pas avoir été directement dans le marché du travail. Oui, j'allais dire, c'est fort injuste parce que comme on en parlait ce matin, les postdoctorants au Canada produisent plus d'articles que les professeurs et les doctorants ensemble et elles sont de qualité supérieure en matière d'impact scientifique. Alors, personnellement, je trouve ça très injuste quand on entend ce genre de témoignage. Nicolas Coton, vous êtes enseignant dans un cégep. Peut-être nous dire ce que c'est qu'un cégep parce que c'est une particularité. Oui, exact. Alors, moi, je représente un peu un parcours, disons, atypique, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire que moi, je ne me destinais pas nécessairement vers une carrière académique ou du moins une carrière en recherche. À la fin de ma maîtrise, j'ai décroché un emploi dans un cégep. Alors, les cégeps, c'est une particularité québécoise. Ce sont des collèges d'enseignement général et professionnel. Donc, ça s'adresse aux jeunes adultes de 17 à 19 ans. Ce serait entre le lycée et l'université, si on les compare. Exact. Voilà. C'est un passage obligé. Oui, passage obligé avec deux composantes, une composante préuniversitaire et une composante de formation technique aussi. Et donc, j'ai décroché un emploi comme enseignant de littérature. La particularité de l'insertion professionnelle étant ce qu'elle est, j'ai été très chanceux par rapport à mes collègues autour de moi, doctorants et fin de maîtrise. Mais on n'a pas de la tâche nécessairement toujours, ni toujours à l'automne ou à l'hiver. Donc, on a des grands trous dans la tâche d'enseignement, précarité oblige. Et j'ai décidé, c'est pour ça que je dis atypique, j'ai décidé donc de poursuivre un doctorat pour cette raison-là. Donc, au lieu de me disperser, de me disséminer un peu partout, j'ai décidé d'aller faire un doctorat que je complète maintenant. Et avec les implications, tout ça, ben, peut-être que ma vision du cégep pourra se concilier éventuellement avec une carrière en recherche. On a des possibilités, on en parlera peut-être. La méthode scientifique, Nicolas Martin. La méthode scientifique depuis Gatineau et le campus de l'UCO pour le 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Nous parlons tout au long de cette heure eh bien, de la relève scientifique, des débuts de carrière de jeunes chercheurs, de futurs jeunes scientifiques et de voir comment eh bien, ces débuts de carrière ne sont pas compliqués que en France, qu'ils sont compliqués également ici et essayer de comprendre un peu pourquoi, comment faire et puis aussi quelle passerelle finalement la francophonie peut représenter pour ses débuts de carrière, parce que la francophonie, comme on l'a pu l'entendre hier, est une chance, est un réseau qui peut se constituer pour les chercheurs. Nous en parlons avec trois étudiants, Sean Maguire, Sarah Lafontaine, Nicolas Coton et Marie Lambert-Chan, qui est rédactrice en chef du magazine Québec Science, qui est là pour chaperonner ces jeunes futurs scientifiques. On est plusieurs à le faire. et nous parler un peu de l'état de la recherche au Québec. Alors, eh bien, comme hier, nous avons profité d'être ici à ce congrès de l'ACFAS pour aller balader nos oreilles et nos micros, bien sûr, dans les couloirs de ce congrès. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez rencontré l'une des co-organisatrices du colloque qui se tient aujourd'hui sur la relève de la recherche. Oui, il s'agit de Catherine Girard, qui est stagiaire postdoctorale à l'Université de Laval et par ailleurs membre du conseil d'administration de l'ACFAS. Catherine Girard anime à l'heure où l'on parle un atelier qui invite les participants à réfléchir aux différentes options qu'ont les doctorants et les postdoctorants pour conjuguer vie de recherche, vie familiale et vie militante. Elle nous explique pourquoi ces questions la touchent de près, elle qui est en situation de postdoctorat, mais également comment ces questions font écho à la situation plus générale des doctorants et postdoctorants ici au Canada. Mais je crois que pour moi, ça a toujours été un besoin de m'impliquer ailleurs que uniquement dans ma science. Donc, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à participer au milieu associatif étudiant, à m'impliquer auprès de l'ACFAS, par exemple. Et puis, ça a toujours été très important pour moi, en fait. C'est désaltérant de pouvoir faire autre chose que seulement son projet de recherche. Je pense que le point le plus important, en fait, c'est d'avoir une direction de recherche qui est à l'écoute et puis qui nous soutient dans ces efforts-là. Donc, c'est pas nécessairement tous les directeurs de recherche et directrices de recherche qui vont être à l'écoute de ces besoins-là chez leurs étudiants. Donc, il y a un gros travail à faire pour nous trouver l'équilibre, mais il faut aussi, il y a une portion d'éducation, en fait, envers les professeurs pour les aider à nous encadrer dans ce contexte-là, de nous encourager à explorer autre chose tout en nous appuyant dans notre science. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, voilà, dans quel moment on se trouve pour les doctorants, les post-doctorants au Canada, en fonction, voilà, de sciences humaines et sociales, sciences dures, où est-ce qu'on se trouve actuellement? Mais je crois qu'on arrive à un beau moment quand même parce qu'il y a énormément d'opportunités de financement. Il y en a de plus en plus, ce qui est un avantage parce que quand on a moins de précarité financière, bien, ça nous laisse la chance de faire peut-être un peu moins de charges d'enseignement, par exemple, un peu moins de démonstration en laboratoire et de se consacrer plus à sa science et aux activités qui nous allument vraiment. Donc, il y a quand même un bel effort qui est mis de l'avant de la part des gouvernements provincial et fédéral là-dessus. On le voit notamment dans les demandes de bourses, par exemple. C'est assez valorisé maintenant des étudiants qui font, par exemple, de la vulgarisation scientifique, du bénévolat, de l'engagement communautaire sur le campus ou dans leur société. Donc, je crois qu'on arrive à un beau moment quand même, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas toujours des enjeux. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est là pour en discuter aujourd'hui. Alors ces enjeux, est-ce que vous pourriez nous les rappeler? Voilà, si on prend le versant ombre de la lumière que vous avez présentée. Donc, le premier qu'on va aborder, qui est l'un des plus importants, c'est vraiment les enjeux de la performance. Donc les attentes qu'on a envers les étudiants gradués, qui sont très très importants. On demande à un étudiant chercheur d'être un expert dans son domaine assez tôt dans son cheminement, de faire sa revue de littérature, de préparer son design expérimental, de faire de la rédaction, de participer à des congrès, tout ça en faisant avancer sa science. Mais il y a un enjeu de publication de papier qui est probablement le même en France. Donc ça, c'est très important. Après, il faut surtout pas s'oublier là-dedans. Il faut avoir une vie personnelle équilibrée, si on a des enfants, par exemple. Il faut aussi pouvoir avoir le temps de s'investir dans les autres activités qui nous tiennent à cœur, que ce soit dans les assos ou dans des organismes comme l'ACFAS. Donc, c'est vraiment de trouver ce juste équilibre-là. Et puis, une fois qu'on a terminé les études supérieures, ben il faut se placer sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est une thématique qui émerge beaucoup auprès des étudiants-chercheurs, parce qu'évidemment, la quête de l'emploi pour une personne qui est hautement qualifiée après un doctorat, par exemple, peut souvent être vue comme étant un processus très, très compétitif où il y a peu d'emplois. Donc, on essaye d'accompagner les étudiants dans leur réflexion par rapport à tout ça. Voilà ce témoignage entre ombre et lumière de Catherine Girard. Une réaction à ce que vous venez de dire. On entend quelque chose tout de même qui dénote un peu par rapport à ce que vous pouviez dire les uns les autres dans cette première partie d'émission. Catherine Girard dit que c'est le bon moment pour les financements. Parce que qu'est-ce qui se passe à Marie-Lambert Chan? Ben, c'est vrai que dans le dernier budget fédéral, il y a quand même eu un souci de réinvestir en matière de bourse pour aider au cycle supérieur, à prolonger des congés parentaux, à aider, à alléger le poids des prêts étudiants. Donc, ça faisait partie des intentions du gouvernement déjà en 2018. Ça faisait partie des recommandations du rapport Neller. Et on voit que, tranquillement, mais sûrement, il y a une prise de conscience. Évidemment, ce qu'on attend, c'est le résultat de nos prochaines élections au niveau fédéral. Alors, est-ce que tout ça va être maintenu dans le temps? Je pense que personne ici au Canada n'oublie les années Harper, qui ont quand même été des années sombres pour le milieu de la science. Je pense que la prudence reste quand même de mise. Mais je pense que oui, elle a raison dans une certaine mesure. Les uns les autres, vous avez eu besoin de souscrire notamment, par exemple, des prêts privés pour poursuivre vos études, ou est-ce qu'on n'en est pas encore arrivé à cette espèce de ce spectre que serait le modèle américain d'endettement des étudiants sur des dizaines d'années? Nicolas Coton? Personnellement, non, parce que j'ai toujours été bien subventionné par les organismes fédéraux et provinciaux, mais... Ça arrive? Ça arrive, oui, c'est une réalité que je côtoie tous les jours. Sean McGuirk? C'est la même chose pour moi aussi. J'ai toujours été supporté par des bourses depuis le début de mon bac. Il y avait de plus en plus de programmes qui sont ouverts, non seulement pour ce qui est central à la recherche, mais aussi pour le leadership, pour les étudiants qui vont aller chercher les compétences hors du milieu de la recherche. Sarah Lafontaine, vous aussi, vous connaissez des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent? Est-ce que ça a toujours fait partie un peu, finalement, des études supérieures, ce besoin à un moment donné de souscrire à un prêt privé, ou est-ce que c'est quelque chose qui est d'assez nouveau? Pour ce qui est du prêt privé, je connais en effet des collègues qui se sont endettés à cause de leurs études. C'est sûr que ça dépend beaucoup des disciplines. Donc, pour ma part, je suis en sciences infirmières, donc on est très chanceux. En plus des organismes subventionnaires fédéraux, gouvernementaux, on a quand même des bourses aussi en sciences infirmières et aussi des bourses spécifiques il y en a dans tous les domaines, en diabète, en natalité, peu importe. Donc, de ce côté-là, on est chanceux. Parce que c'est de la science très appliquée qu'il y a beaucoup de bourses, ou est-ce que c'est la science plus fondamentale qui est moins soutenue ou pour laquelle on a besoin d'avoir de recours à des prêts privés? Ben, dans le cas des sciences infirmières, en fait, il manque de relève au niveau du corps professoral à l'université. Donc, c'est vraiment, de ce que je connais, c'est pour cette raison-ci qu'on a vraiment ajouté des bourses pour encourager les étudiants à poursuivre au cycle supérieur. Marie-Lambert Chan, aujourd'hui, justement, cette part prêt privé, prêt public, c'est de plus en plus fréquent. Le modèle américain, une fois de plus, s'exporte sur le territoire québécois? J'ai pas de chiffres exacts à ce sujet-là, mais si on parle juste de recherche et développement public, donc ce qui a trait à la recherche fondamentale, il y a eu un bilan comparatif qui a été fait par le Conference Board of Canada. Donc, exprimé en pourcentage de PIB, le Québec, en 2014, il n'y a pas de données compilées après, était à 0,99%. C'est mieux qu'il y a quelques années, mais ça reste quand même moins bien quand on remonte, il y a plus de 10 ans, donc en 2005, c'était à 1,10%. Du PIB. Mm-hmm. C'est sûr qu'on fait mieux que le Canada au grand complet. Probablement que le chiffre est différent. Encore une fois, ça remonte à 2014. Il y a eu un réinvestissement, mais en 2014, on était à 0,76%. On reste quand même en bas de la Nouvelle-Écosse, qui était à 1,20%. Mais quand même, je sais qu'il y a plusieurs... On est en dessous de plusieurs pays de l'OCDE qui, je pense, tout le monde essaie de franchir la barre des 2, voire des 3%. Je pense qu'en France, c'est également un objectif. L'objectif européen est 2-3%, mais en France, on est à 2,2%, tout compris public-privé, et le public, c'est 0,8%, et c'est aussi un thème que l'on commente assez régulièrement, et dont les chercheurs déplorent finalement le faible investissement, même si effectivement, il y a eu là aussi, depuis quelques mois, un petit effort pour compenser. Puis quand même, on se dit c'est très important d'investir en recherche fondamentale parce qu'on a des puissances scientifiques émergentes, ne serait-ce que la Chine, tout le monde en parle avec sa nouvelle route de la soie. On a la Corée du Sud, on a l'Inde, la Russie, on a ces puissances scientifiques émergentes qui, elles, ont réalisé l'importance de la recherche fondamentale qui est vue comme une source d'innovation et puis après de gains économiques. Donc, on a finalement tous ces pays en arrière qui, eux, veulent aussi leur part du gâteau. Donc, on n'a pas intérêt à désinvestir. Est-ce que le réseau de la recherche francophone est aujourd'hui quelque chose qui est intéressant pour vous? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'on vous demande d'aller passer un an, plusieurs années à l'étranger? Vous avez un statut particulier qui est celui du bilinguisme qui est très élevé au Québec. Est-ce que c'est un atout? Est-ce que il y a beaucoup de vos collègues qui, du coup, franchissent la frontière américaine pour aller s'établir là-bas où les conditions de recherche sont différentes? Quel est le panorama un peu, Nicolas Coton? Oui, encore une fois, je me pose dans une position atypique, c'est-à-dire que j'étudie en littérature de langue française, hein, et donc mes collègues aussi autour de moi, et donc c'est sûr qu'on est on baigne dans un univers qui est francophone. Le pont avec la France est usuel, et quand on s'expatrie, par exemple aux États-Unis, c'est souvent dans des départements d'études françaises et italiennes, donc. Bien sûr que la rédaction, elle se fait en anglais, les échanges se font en anglais, mais la question de la langue française, elle devient, pour mon domaine particulier à moi, quelque chose qu'on ne perd pas, là, hein. Et donc, je disais ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de ponts entre la France et le Québec. Pour ce qui est des États-Unis, peut-être dans des milieux plus associés à la nature, technologie. Sean McGuire, justement, dans le biomédical, il y a beaucoup d'entreprises privées, j'imagine, qui vous font des appels du pied aux États-Unis avec des conditions de recherche, de rémunération qui sont, j'imagine, supérieures à ce que vous propose la recherche académique. Vous avez beaucoup de collègues qui vont aux États-Unis, qui ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, dont on a également pas mal parlé à ce micro. Pour la France? Oui, on commence de plus en plus à parler aussi de la circulation de cerveau pour dire qu'on a une diaspora de recherche qui est bénéfique. L'internationalisation de la recherche est bénéfique pour la recherche au niveau mondial. J'ai beaucoup de collègues qui proviennent de la France, qui travaillent justement dans notre centre de recherche Goodman à McGill. Du côté de mes collègues, j'ai vu beaucoup qui sont expatriés vers les États-Unis. Moi-même, j'ai fait un petit 2 mois en Israël. Et on voit beaucoup aussi qui se ramassent en Europe. Je dirais qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont à l'extérieur, qui préfèrent aller chercher de l'expérience dans un autre pays pour ensuite avoir peut-être la chance de revenir, mais justement parce qu'il y a l'attrait d'avoir des plus gros salaires souvent dans des autres pays, souvent quand c'est associé soit de l'argent philanthropique ou soit que ce soit des compagnies. Souvent, les étudiants sont prêts à rester. La France, par exemple, est un territoire attractif pour la recherche dans votre domaine biomédical, dans la recherche contre le cancer? Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des accords avec des institutions comme le CNRS, l'Institut Pasteur, je ne sais pas, d'autres types d'institutions de lutte contre le cancer, Gustave Roussy, par exemple? Avec des institutions, mais aussi avec des compagnies. Justement, même mon laboratoire, dans le laboratoire de Dr. Justice Saint-Pierre, qui est maintenant à l'Université d'Ottawa, on a eu une belle collaboration avec L'Oréal en France. Donc, on se fait beaucoup approcher pour des partenariats comme ça. Donc, oui, il y a beaucoup de collaborations. Sarah Lafontaine, comment ça se passe de votre côté dans le domaine justement des soins médicaux, des sciences infirmières? Vous disiez qu'il y avait une pénurie de pratiquants et d'enseignants, voilà, c'est ça? Mais nous, en fait, en santé en général, en fait, c'est très, très valorisé d'aller faire des études ailleurs. Donc, c'est possible d'aller faire un post-doctorat ailleurs. Donc, j'ai des collègues, par exemple, qui font des démarches pour aller faire le post-doctorat à Londres ou dans d'autres pays ou, dans le fond, selon leur sujet de recherche, parce qu'on sait que les sciences infirmières, ça peut aller dans différents champs de recherche. Mais c'est très valorisé. Et pour vous parler un peu de bilinguisme, donc, c'est essentiel et on est pratiquement obligé en fait de publier en anglais, même si des fois c'est dommage parce qu'on trouve qu'il manque de littérature francophone, mais en même temps on nous oblige à publier en anglais pour rejoindre un vaste public là. Mais ça, on en parlait, on va vous renvoyer les auditeurs à l'émission d'hier qui était consacrée effectivement à cette question-là. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui est plus aujourd'hui, compte tenu de votre position, qu'est-ce qui est plus attractif? Est-ce que la France, par exemple, est attractive ou est-ce qu'au contraire, les pays anglophones le sont plus pour les conditions justement de ces débuts de carrière, Sarah Lafontaine? Pour ma part, étant donné mon sujet de recherche, la France m'intéresse parce qu'ils travaillent beaucoup sur l'éducation thérapeutique qui est mon sujet d'intérêt. Donc, pour moi, personnellement, c'est quelque chose peut-être qui serait intéressant d'aller vraiment collaborer avec des chercheurs là-bas. Mais ça dépend vraiment des intérêts de recherche de chacun, je crois. Là. Sean McGuirk? Pour moi, je travaille en métabolisme et en cancer du sein. La majorité des grands laboratoires se trouvent aux États-Unis. Il y en a quelques-uns aussi en Angleterre. Il y en a quand même moins en France, mais j'en connais quelques-uns. Ça serait définitivement attrayant pour un postdoc, mais j'en connais pas assez sur la situation pour voir si ça serait assez bon pour une carrière. Nos collègues de Radio-Canada ont fait une sorte de portrait type hein, du postdoc, et c'est intéressant de voir un peu ce qui se dessine. Le postdoc typique, il a 34 ans, 53% sont masculins, 69% sont mariés ou en union. Un tiers ont des enfants. Ça dit aussi quelque chose bien du sacrifice que ça peut demander pour une vie privée, personnelle. Et c'est quelque chose qui est vraiment au centre hein, du colloque d'aujourd'hui de l'ACFAS, de comment réussir, avec toutes les contraintes dont on vient de parler, eh bien, d'à côté, avoir pas seulement une vie d'ailleurs familiale, Marie-Lambert-Chan, mais aussi une vie militante, une vie associative, simplement pouvoir bien faire cohabiter ces deux espaces qui sont bien évidemment pas forcément très faciles à joindre parfois. Non, des témoignages que j'entends sur le terrain, évidemment c'est anecdotique, mais faire carrière en recherche quand on est une femme souvent nous oblige à repousser le moment où on fonde une famille, et du moment où on la fonde, ben les outils, les façons de nous aider, je dis nous au nom des femmes, mais de nous aider à poursuivre une carrière ne sont pas toujours là. Il y a quand même une prise de conscience, je pense, qui se fait petit à petit. Tout à l'heure, on parlait de d'aide financière pour aider à prolonger les congés parentaux, mais comme on sait, la vie de famille ne se limite pas au congé parental de la première année. Et donc, je pense que ça va être un défi très important. Des comités de soutien aux parents, je pense qu'il y en a un petit peu partout dans les universités, mais ça va être un enjeu très important quand on voit aussi les retours aux études qui se font. Hein. Maintenant, les cheminements ne sont plus aussi linéaires qu'ils ne l'étaient. La maîtrise devient une exigence dans les parcours de carrière. Bref, quitte à me répéter, la conciliation travail, famille, études est un enjeu. Pour vous, les uns les autres, ça a été un problème, ça l'est peut-être encore aujourd'hui, Sarah Lafontaine? C'est quelque chose qu'on voit souvent, oui, des femmes qui vont mettre sur pause leur projet d'avoir un enfant suite à leur doctorat, puis suite à leur post-doctorat finalement, parce que les conflits sont très importants. Donc oui, c'est des choses qu'on voit couramment. Nicolas Coton, vous êtes un peu protégé par votre statut d'enseignant qui vous permet d'avoir une vie professionnelle stable au moins à côté tout en poursuivant votre doctorat. Stable à temps partiel. À temps partiel, bien sûr. Non, mais enfin. Oui, justement, là, moi, je viens de recevoir un financement pour aller faire un post-doctorat aux États-Unis, justement. Et puis, là, c'est sûr que moi, j'ai 33 ans. La question se pose, oui. Effectivement, c'est un choix fondamental. La question de la famille. Je fais partie aussi d'un comité étudiant qui est un comité attaché au Fonds de recherche du Québec qui a bonifié mon doctorat à de multiples plans. Et ce comité-là s'est penché dans la dernière année sur la situation justement des chercheurs postdoctoraux. Et puis c'est un constat. Le 69% de chercheurs, chercheuses mariées qui arrivent à ce choix de vie-là. Et c'est un constat qu'on a fait aussi. Et puis bien sûr qu'il faut mettre en place des mesures pour favoriser la conciliation travail-famille. Études, hein, les trois. Sean McGuirk, de votre côté, comment ça s'est passé, cette conciliation? C'est difficile. Je suis dans une relation à long terme. On est fiancés, mais pas mariés. Je veux dire que pour elle, c'est très difficile. Souvent, je rentre à la maison 5h, 6h, 7h, 8h, 9h du soir. Je travaille souvent jusqu'à 1h du matin. Je me lève à 6h du matin. Je continue à travailler. Ensuite, je rentre au travail et ça continue, même les fins de semaine. Donc, c'est déjà arrivé que pendant plusieurs années même, on n'a pas eu une semaine ou même une fin de semaine juste pour passer du temps ensemble en couple. Oui, ça peut être très, très difficile. Elle-même, elle est chercheuse? Non, elle est graphiste. Elle est graphiste, mais juste avoir un chercheur, c'est déjà assez. We'll be right back. future start slow, le futur commence doucement, des kills sur France Culture. Eh bien oui, puisqu'on parle justement de ce futur des jeunes chercheurs qui est complexe comme on l'entend. On en a longuement parlé souvent dans la méthode scientifique de la situation hein, des jeunes docteurs qu'on entend régulièrement à notre antenne et qui nous parlent de la complexité de ces débuts de carrière. Eh bien on voit qu'il n'y a pas qu'en France que c'est compliqué. On en parle avec Sean McGuirk qui est doctorant au centre de la recherche sur le cancer Goodman à l'université McGill, avec Sarah Lafontaine qui est doctorante en sciences de la santé, concentration sans infirmière, avec Nicolas Coton qui est membre du comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche au Québec, et avec Marie Lambert-Chan qui est rédactrice en chef du magazine Québec Science. Alors il faut aussi évidemment parler tout comme toujours du nerf de la guerre, c'est la rémunération, la faible rémunération de ces débuts de carrière. Je citais tout à l'heure hein, cette étude qui a été menée par Radio-Canada et qui montre que deux tiers des post-doctorants ont un revenu qui est inférieur à 45 000 dollars canadiens par an. Si on traduit ça en euros, ça fait moins de 30 000 euros bruts annuels, ce qui se traduit par un salaire de moins de 2 000 euros nets par mois. Marie Lambert-Chan, c'est un niveau de rémunération. Alors 2 000 euros nets, on se dit que ça peut être beaucoup par rapport à la moyenne du salaire des citoyens, mais quand on a fait 5, 10 ans de recherche, c'est un salaire très bas et assez peu attractif. Oui, surtout que on en parlait pendant la pause avec Sarah, peut-être qu'elle-même veut en parler, mais à ce moment-là, on n'est plus tout à fait considéré comme un étudiant, on commence à être un employé, et donc, comme Sarah le mentionnait, le salaire est imposable, donc, et donc qui est différent du doctorat. Mmh. Le doctorat n'est pas imposable, et donc on se retrouve avec encore moins d'argent que ce que vous venez de mentionner. Et avec autant d'années d'études, là on parle des post-doctorants, mais si on parle des doctorants qui eux-mêmes bon, vivent sur des bourses, ils sont responsables d'une grande partie de la production des articles scientifiques, la pression à publier est énorme. On dit que les doctorants sont responsables d'un article scientifique sur trois au Québec. Quand on calcule que bon an, mal an, au Québec, il se signe environ 16 000 articles scientifiques, faites le calcul vous-même, c'est le tiers, c'est énorme. Sarah Lafontaine. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on calculerait le taux horaire, on verrait que c'est encore moins, là, parce qu'évidemment, une semaine de 40 heures en postdoctorat, c'est quand même assez rare. Là. Donc, c'est des semaines des fois de 50, 60, 70 heures. Donc, il faut le prendre en considération aussi avec ce genre de salaire-là. Sean McGuirk, même dans le domaine biomédical, on dit qu'en général, le domaine biomédical est un domaine qui est bien financé parce qu'il y a beaucoup de brevets, qu'il y a beaucoup de laboratoires derrière, que c'est un domaine attractif financièrement, ce n'est pas le cas? Oui, mais le salaire du postdoc reste quand même plus ou moins le même que dans les autres disciplines. Je dirais aussi que ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, à chaque année, le salaire postdoctoral monte par rapport avec l'expertise, par rapport au niveau de carrière. C'est quelque chose qu'on n'a pas au Canada. Je sais pas pour la France. Non plus. Mais ça fait que le salaire reflète vraiment pas l'expertise que les personnes ont. C'est rendu que, comme j'ai un ami aux États-Unis qui travaille à New York, qui travaille en intelligence artificielle, et en fait, son salaire est rehaussé de beaucoup comparé aux autres postdocs dans son département, justement parce qu'il y a de la compétition, que Google pourrait l'engager très rapidement à un salaire presque le double du salaire normal du postdoc. Et lui, il est en recherche académique, il est dans le public. Oui. D'accord. Mais justement, je reste avec vous, Sean McGuirk, parce que vous travaillez, on l'a dit, en cancérologie à McGill, qui est une université prestigieuse, qui est peut-être la grande université, en tout cas dont le nom est connu internationalement, parmi d'autres, mais celle-là en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, ce nom-là, vous avez le sentiment qu'il peut vous aider, que c'est un soutien, qu'il est reconnu à l'international dans la carrière, que ça valorise votre parcours de jeune scientifique? Je pense que oui. Je pense que McGill attire beaucoup de partenariats, surtout. Mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres universités au Canada. Et c'est vrai aussi de beaucoup d'universités francophones. Donc, je pense que c'est important aussi de valoriser les universités qu'on a ici au Québec qui sont francophones. McGill, souvent, prend toute la lumière. Mais vraiment, la recherche qui est faite à l'Université de Montréal, à l'UQAM, à l'Université de Laval, l'Université de Sherbrooke. On a des universités en région qui ont des expertises très pointues et très reconnues. LUCO où nous sommes. LUCAR, l'Université du Québec à Rimouski, très reconnue en océanographie. LUCAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, très reconnue pour tout ce qui est mine, forêt. Donc, on a une richesse en recherche au Québec qui ne se résume pas aux grandes universités que sont McGill et l'Université de Montréal, même si on les aime bien, cela dit. Un mot peut-être, Nicolas Coton, toujours sur cette question des rémunérations de début de carrière. Alors, vous êtes dans le domaine, on vous a pris parce que vous êtes notamment membre du comité intersectoriel des fonds de recherche du Québec, mais aussi parce que on voulait avoir un panel avec des étudiants en sciences humaines et sociales. On a tendance à dire qu'aujourd'hui, en tout cas c'est le cas en France, et c'est pour ça que je vous soumets cette question, que l'endroit où il reste un peu d'argent, c'est ce qu'on appelle la recherche dirigée, c'est-à-dire de la recherche avec de l'application directe, comme vient de le dire Sean McGuire, c'est-à-dire vraiment avec de l'argent de l'application, des brevets possiblement à déposer derrière, et que les sciences humaines et sociales sont un peu le parent pauvre parce que, eh bien, il y a moins de partenaires privés, moins d'investissements. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui votre secteur? Effectivement, je ne peux pas appuyer ce que je vais dire sur des données probantes, disons, mais il est certain que les carrières qui émanent d'une certification, d'un doctorat en sciences humaines ou pire, ce qui est pire que les sciences humaines, à mettre entre guillemets en lettres. Et donc, ce sont des carrières qui sont tournées notamment vers le public, c'est les institutions publiques, comme les cégeps, par exemple, qui peuvent permettre d'engager des étudiants en lettres comme moi. Mais je voulais revenir sur la question du salaire, puis tout ça, le salaire moyen 45 000, qui est l'équivalent de la bourse postdoctorale que l'on accorde aux provinciales. C'est plus que le salaire. Enfin, moins de 45 000, c'est deux tiers des étudiants en postdoc. Oui. Voilà. Et il y a même une bonification pour la bourse postdoctorale provinciale. Et là, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais non imposable aux provinciales, cette bourse quand même. Donc, c'est une mince consolation, imposable au fédéral, non imposable au provincial. Pour Sarah Lafontaine, c'est intéressant parce que vous êtes, et félicitations, la lauréate du concours Ma thèse en 180 secondes l'an passé. On entend aussi beaucoup dire que ce type d'initiative, la vulgarisation, c'est une tâche en plus que l'on demande aujourd'hui aux étudiants en thèse, dans leurs travaux, en post-doctorat, c'est-à-dire en plus des publications, en plus de leurs travaux de recherche. On leur demande de plus en plus de fournir des services, rémunérés ou non d'ailleurs, de vulgarisation pour transmettre leurs travaux, la nature de leurs travaux, pour participer à un programme d'éducation aux sciences larges. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça vous a aidé, par exemple? Oui, donc c'est aidant. En fait, chaque personne devrait vivre cette expérience de vulgarisation parce que, justement, on est redevable au public, en fait. Donc, c'est les frais, tout ça, que ça engendre de faire des études comme ça. On est redevable de leur faire, justement, de leur montrer ce qu'on fait, sur quoi on travaille, dans des termes qui sont compréhensibles. Parce que les articles scientifiques, il faut les vulgariser parce que les gens n'ont pas nécessairement accès à cette littérature-là. Donc, je crois que c'est essentiel. Et de plus en plus, il y a également des efforts qui sont mis d'encourager les étudiants à le faire. Mais, malheureusement, dans plusieurs bourses, organismes subventionnaires, c'est pas encore assez valorisé. Si on compare avec les publications scientifiques, la vulgarisation arrive en dessous, malheureusement, mais je sais que c'est en discussion pour la valoriser davantage. Ça veut dire, Marie-Lambert-Chan, qu'aujourd'hui, on demande en plus à ces doctorants, à ces jeunes chercheurs, de publier pour les professionnels et de vulgariser pour les non-professionnels, de rendre compte au grand public de la nature de leurs travaux? Oui, ne serait-ce que leur port d'attache, leur université qui leur demande de le faire parce que les universités elles-mêmes ont besoin de se faire de la promotion par rapport à leurs efforts de recherche. Donc, très rapidement, on demande aux étudiants dès la maîtrise, le doctorat, de faire la promotion de leur recherche, de bien l'expliquer. Est-ce que les étudiants sont toujours bien accompagnés là-dedans? J'en doute. Une chance qu'il existe des initiatives comme ma thèse en 180 secondes, mais je pense qu'il y a un effort à fournir du côté des universités parce qu'on en parle comme si c'était l'idéal, mais justement, dans les demandes de subventions, la transmission des savoirs n'est pas aussi valorisée. Dans les universités, les outils ne sont pas là forcément pour soutenir les étudiants dans cet apprentissage qui est quand même difficile. Souvent, nous, on le voit avec les étudiants dans les premières entrevues qu'ils nous accordent. Ils ont de la difficulté à bien faire passer leur sujet pour monsieur, madame, tout le monde. Sean McGuire. Oui, c'est ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de ressources, mais aussi beaucoup plus de plateformes pour faire de la communication scientifique au Québec. Non seulement avec le Ma thèse en 180 secondes, que la finale serait mercredi cette semaine. C'est-à-dire aujourd'hui, puisque... Oui, ouais, aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui. Il y a aussi la plateforme raccourcie avec l'ACFAS qui démontre des compétences, qui donne accès à toutes sortes de façons pour mieux exprimer sa recherche de manière claire et concise. Mais c'est que ces outils viennent souvent de l'extérieur du milieu universitaire. Les universités elles-mêmes ne soutiennent pas leurs étudiants, pas toujours. Il y a quelques ressources au niveau universitaire, mais ce qui est problématique, c'est que souvent, ces ressources-là ne sont pas vraiment connues de la part des étudiants. Mm-hmm. Souvent, c'est une place centrale dans l'université qui crée ces opportunités-là, mais il faut que ça passe à travers les départements, après les départements, par les communications des départements aux étudiants. Et lorsque ça... Je dirais que la majorité du temps, ça ne se rend pas. Voilà. Si on regarde un peu, en quelques mots, hein, là on parlait de la rémunération, pareil, alors il y a des efforts qui sont faits en France pour essayer de remonter un peu ces niveaux de rémunération de début de carrière scientifique. Il y a une vraie tendance en ce moment qui a été impulsée par Antoine Petit, qui est le président du CNRS, pour eh bien aller dans le sens dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire créer des petites structures, des start-up, et de faire en sorte que ces jeunes chercheurs puissent s'impliquer dans des entreprises montante et avec un soutien justement des pouvoirs publics. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous trois, un début de carrière en France, est-ce que vous vous êtes renseigné? Est-ce que ce sont des conditions qui seraient attractives pour vous? Ou est-ce que finalement, les débuts de carrière sont aussi difficiles et que vous faites un peu au mieux disant, au mieux allant en fonction de ce qu'on vous propose autour de vous, Nicolas Coton? Le système français me paraît intéressant d'un point de vue théorique, mais comme vous l'aviez souligné, les échos qu'on a de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est les étudiants français qui viennent ici. Et donc, ça semble très contingenté, bouché, donc un système très difficile à percer. Donc, ça reste un coup de dé, je pense, d'aller de votre côté. Et ils sont très nombreux, les étudiants français, ici. Donc, ça n'envoie pas, je pense, un très bon message. Sean McGuirk. Justement, j'ai beaucoup d'amis qui sont français qui viennent de terminer justement leur thèse de citoyenneté canadienne, qui sont maintenant des Canadiens. Beaucoup de Français qui partent leur carrière ici. Il y a quand même assez d'opportunités. Mais je dois dire, je ne connais pas assez le système en France pour commenter. Sarah Lafontaine? Je partage l'avis de mes deux collègues. En fait, je pense qu'on ne le connaît pas tant que ça, mais exactement, c'est la perception qu'on a. Les gens viennent de là-bas jusqu'ici. Donc, on se dit, est-ce que le contraire est possible? On se questionne. En fait, ça serait intéressant de répondre à la question. Mais alors, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être que c'est vrai qu'on a dépeint un tableau, disons, peut-être pas noir, mais en tout cas relativement complexe. Quelles seraient les solutions? Qu'est-ce qui, concrètement, individuellement, vous, aujourd'hui, permettrait de rendre ce début de carrière plus simple? C'est-à-dire des portes plus ouvertes du côté de la recherche académique, des meilleures passerelles avec le privé, plus de bourses, simplement. Est-ce que c'est ça le nerf de la guerre? J'ai lu quelque chose en préparant cette émission qui m'a semblé assez incroyable, c'est que j'ai lu que, je crois que c'est faute de financement, l'Université de Sherbrooke a proposé en février un tirage au sort pour déterminer qui allait pouvoir obtenir des bourses de recherche. Ça veut dire qu'on en est bien à cet endroit-là, Marie-Lambert-Chan, il n'y a que moi que ça surprend. Non, écoutez, je n'étais pas au courant de ce que vous venez de mentionner, mais ça ne m'étonne pas. Vous dites, évidemment, peut-être que chacun ici a une solution plus personnelle à son parcours, mais de façon macro, on le répète depuis tellement d'années, ça rejoint ce que je vous disais en début d'émission, il faut réinvestir. On a un urgent besoin d'un réinvestissement massif. Il y a des efforts qui ont été faits en ce sens-là, mais autant au fédéral qu'au provincial, on est encore loin de l'objectif qu'on devrait se donner. Alors, on va essayer de trouver, de nourrir la réflexion avec des propositions. Qu'est-ce qu'il faudrait, Sarah Lafontaine, pour que votre parcours, votre insertion dans le milieu professionnel soit plus simple, soit rendu plus simple pour faire la transition, le tuilage entre la fin d'études et l'insertion dans le milieu professionnel? Donc, pour ma part, c'est un parcours assez atypique en sciences infirmières. Pour nous, ça semble plus facile de s'insérer sur le marché du travail. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, en fait. Mais juste pour donner des conseils pour ceux qui voudraient peut-être poursuivre des études supérieures, juste au début de leur cheminement, de bien choisir ses directeurs de recherche, c'est une chose, mais aussi de se questionner dès le départ, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est vraiment le réseau privé qui nous intéresse par la suite, la carrière de professeur, et vraiment de tout de suite se faire un plan de match, si je peux dire, pour vraiment construire son CV en conséquence. Justement, c'est d'avoir un plan de carrière dès le début, dès les études, de penser en visibilité, en influence. Tout à fait, parce que des fois, les gens y pensent puis ils sont déjà à leur troisième année doctorale. Donc là, c'est plus difficile de renverser la balance, mais si on y pense dès le début. Puis il y a plein de carrières en vulgarisation scientifique, notamment d'autres choses qui sont possibles aussi pour les futurs doctorants. Sean McGuirk. Oui, ce qu'on avait entendu avant, une grande liste des choses que les doctorants doivent faire durant leur day-to-day. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est la planification de carrière. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour ça. C'est quelque chose qui devrait vraiment être fait au tout début et qui devrait être revisité à travers le doctorat et aussi à travers le post-doc. Mais alors, comment ça? Comment, concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire, une planification de carrière? Ça voudrait dire qu'il faudrait vraiment avoir... aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle le Individual Development Plan, le plan de développement individuel. C'est quelque chose qui est signé par l'étudiant et par le directeur ou la directrice de thèse, qui est ensuite revisité souvent, je pense à chaque année, pour s'assurer que les compétences, les choix de carrière que l'étudiant aimerait avoir ou aimerait gagner s'alignent bien avec ce qu'ils vont recevoir dans l'année qui vient ou ce qu'ils ont reçu aussi dans l'année qui vient de passer. Donc, je pense que ça serait vraiment important d'avoir un système comme ça qui serait établi. Nicolas Coton. Oui, j'ajouterais, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit mes collègues. J'ajouterais, au-delà des fameuses allocations qu'il faudrait certainement ajouter, il faut aussi penser à valoriser peut-être les compétences doctorales, tant à l'extérieur des murs de l'université, chez les employeurs, dans la société civile, que chez les doctorants eux-mêmes. Hein? Mm-hmm. C'est-à-dire que les doctorants doivent peut-être prendre conscience des compétences, connexes ou directes qu'ils développent lors de leur parcours doctoral. Et diversifier aussi chez les doctorants leur implication. Pour moi, je sais que j'ai eu la chance extraordinaire de m'impliquer au sein d'un organisme subventionnaire. C'est assez rare. C'est une opportunité qui m'est tombée déçue comme ça. Et je suis encore une fois un cas atypique. Et tout ça grâce à la volonté de ces fonds d'inclure des étudiants au sein même de leur système de gouvernance. Et ça a fait une différence, je dirais, et je ne le dis pas parce que je représente en ce moment le fonds de recherche, mais ça a vraiment fait une différence fondamentale dans mon doctorat et dans ma façon de concevoir mon propre doctorat et ensuite d'aborder le monde, là, disons. Sean McGuirk. Il faudrait dire qu'on est tous un peu atypiques. Je pense qu'il n'y a pas un doctorat qui est normal. Mais je dirais qu'il y a une belle statistique de McKinsey qui dit que 84% de l'université croient que les doctorants sortent, je pense que les doctorants et les baccalauréats sortent de l'université avec les compétences nécessaires pour aller au milieu du travail. Quand on demande aux employeurs, c'est seulement 34% qui pensent la même chose. Donc, il y a quelque chose qui manque. Il y a des programmes maintenant comme la coopération de MITAX ici au Canada qui aident à la transition académique. C'est-à-dire de quoi il s'agit? C'est une compagnie qui a des liens à travers 20 pays, incluant en France, qui fait des liens avec plusieurs universités en France et qui aide le placement soit en industrie, en politique scientifique, vraiment dans la majorité des domaines. Avoir un programme comme ça, c'est vraiment une aide pour la planification, surtout en fin de doctorat où on se ramasse comme à un mur ou à une falaise où on ne sait plus trop où aller. Marie-Lambertienne, justement, c'est intéressant. La place du doctorat aujourd'hui, c'est aussi un problème qu'on évoque souvent en France, hein, c'est-à-dire que les docteurs ne sont pas reconnus socialement. Un docteur, ça fait peur dans le privé quand on n'est pas tout à fait dans le bon domaine de compétences. Il y a une manque de reconnaissance aussi de ce statut du docteur ici au Québec? J'ai pas de chiffres à l'appui, mais c'est sûr que dans un contexte où il y a un peu un rejet de l'expertise, je pense que oui, mais souvent on l'a mentionné, on a des docteurs qui arrivent et qui sont carrément surqualifiés. On a un réel problème de transition par rapport à la vie professionnelle, et c'est vrai que d'avoir un plan de carrière est absolument essentiel maintenant, surtout que, comme le mentionnait Sean, il n'y a aucun parcours qui est typique. Un doctorant qui est en intelligence artificielle n'aura pas du tout en ce moment les mêmes chances que quelqu'un qui est en littérature comparée. On voit qu'il y a des investissements ciblés, par exemple dans les énergies vertes, dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a des domaines plus populaires présentement qui, évidemment, favorisent certains doctorants ou stagiaires postdoctoraux et d'autres où, évidemment, les futurs diplômés n'auront jamais d'emploi dans le domaine où pourtant ils ont passé bien des années. Mais j'aimerais un dernier mot, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure et que vous évoquiez finalement cette espèce de planification comme aux États-Unis. On entend beaucoup revenir à ce modèle américain. Enfin, on connaît aussi les limites de ce modèle. On sait que il y a des universités à deux voire à trois vitesses, qu'il y a des universités qui permettent d'arriver vite sur le marché du travail et d'autres universités qui ont très très peu de débouchés avec des taux de chômage très importants à la fin. Il y a ce problème du financement qui est aussi un problème dont on a reparlé il n'y a pas longtemps. On voyait plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'Américains qui, à l'âge de la retraite, continuent à payer leur crédit de recherche. C'est vraiment toujours, malgré cela, un modèle, Sean McGuirk? Je pense qu'on a de plusieurs façons, on a un modèle qui est supérieur. On a beaucoup moins de problèmes avec les dettes. Ça existe toujours, mais c'est beaucoup moins. Ça coûte beaucoup moins aller à l'université ici au Canada. Et dans plusieurs domaines, les doctorants sont assez bien rémunérés, souvent avec des salaires qui sont garantis. Mais ça dépend du programme, ça dépend de l'université. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'on a rien à apprendre. Je trouve surtout que la planification de carrière, c'est important. Aussi, de rapprocher, de faire des liens avec l'industrie, avec l'insertion professionnelle, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Sarah Lafontaine. Oui, je partage tout à fait l'avis de... Justement, des fois, quand ils ont des contraintes différentes, ils ont créé des stratégies, dont peut-être ce plan-là de développement professionnel, donc en début de doctorat. Donc, je pense qu'on peut apprendre, en effet, de nos collègues américains. Nicolas Coton. Oui, j'ajouterais, c'est dans un colloque ce matin sur la recherche collégiale, donc la recherche qui se fait dans les cégeps, dans les collèges privés ici. Puis, encore une fois, je pense que ça commence là aussi, la préparation en amont d'une carrière scientifique ou d'une carrière en recherche, et aussi une présentation d'un système d'autodéfense, en quelque sorte, dans l'écosystème de la recherche et de la recherche subventionnée. Je pense que si on travaille dès les premiers niveaux collégiales, le premier cycle universitaire... D'apprendre à se... J'aime beaucoup cette idée du système d'autodéfense contre le système de la recherche subventionnée. Marie-Lambert-Chen, c'est un sport de combat, le parcours du jeune doctorant. Je trouve ça étonnant qu'on ait encore cette conversation-là, parce que ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut sortir de l'ornière du parcours classique bac, maîtrise, doctorat, voire post-doc, poste de professeur. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut explorer d'autres avenues, que les universités préparent leurs étudiants à explorer d'autres avenues professionnelles. Donc, je ne sais pas quel est l'élément manquant dans l'équation qui fait qu'on a encore cette conversation-là aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre. Merci Sean McGuirk, merci Sarah Lafontaine, merci Nicolas Coton, merci Marie-Lambert-Chen d'être venue nous parler juste de ces débuts de parcours scientifique qu'on a entendu encore et bien ici, assez complexe au Québec, tout comme en France. Merci à toutes les équipes de l'ACFAS, Lynn Sauvageau, Hélène Drinville, Alexandre Gès, Stéphanie Quirion. Merci à Madame la Consul Générale de France à Québec, Laurence Hagenauer, à Mathilde Girard et Florence Béranger. Merci aux équipes de Radio-Canada qui ont rendu ces moyens techniques possibles, Conrad Ijazi, Serge Brunet et André-Philippe Soriol. Sans oublier évidemment toute la chouette équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Néguet de Saint-Vulfranc et Léonore Pérez. Sans oublier évidemment Olivier Bétard à la réalisation. Demain, nous serons toujours ici à Gatineau sur le campus de l'UQO au 87e congrès de l'ACFAS. Nous parlerons d'un sujet d'actualité, la science décousue, de la méfiance citoyenne vis-à-vis du discours scientifique, d'une méfiance croissante, alors que en parallèle, le crédit est toujours de plus en plus grand envers d'autres informations, ce qu'on appelle les infox, les fake news, la désinformation. Comment expliquer ce paradoxe? On essaiera de trouver des réponses demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.